de mieux qu'un atlas pour décrire un continent souterrain, une grotte, la grotte Chauvet dans laquelle des Homo sapiens se sont avancés il y a plus de 30 000 ans pour peindre et graver les parois dans l'obscurité. Cette monographie de la grotte Chauvet Pont d'Arc, ouvrage colossal paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, est un pari fou, mais c'est aussi la synthèse unique de travaux de recherche menés depuis plus de 20 ans dans une grotte qui reste à ce jour la plus vieille grotte ornée au monde. Fermée au public pour des raisons de conservation, la grotte Chauvet se révèle dans cet atlas par des cartes et des illustrations dans toute sa complexité, mais aussi dans toute sa splendeur. Grotte Chauvet, l'atlas d'un monde retrouvé, c'est notre programme cartographique et paléolithique pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette grotte merveilleuse et de ce non moins merveilleux atlas, nous avons le plaisir de recevoir les deux maîtres d'œuvre de ce travail collectif, à savoir Jean-Michel Geneste. Bonjour. Bonjour. Vous avez été conservateur de la grotte de Lascaux, vous avez également été directeur du Centre National de la Préhistoire et vous avez coordonné les recherches sur la grotte Chauvet pendant 17 ans. Avec nous également Jean-Jacques Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes géomorphologue et même anthropo-géomorphologue et vous êtes membre de l'équipe scientifique de Chauvet. Alors, avant de descendre dans cette grotte aux mille merveilles, il est l'heure de retrouver une autre artiste qui nous éclaire dans la caverne de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec le sujet de ce journal. Selon une étude parue mardi dans la revue Science Immunology, l'immunité au Covid-19 dure au moins 8 mois. Et des chercheurs australiens ont analysé des échantillons de sang prélevés sur 25 patients positifs au SARS-CoV-2. Des échantillons qui ont été comparés à un groupe contrôle en bonne santé. Les chercheurs ont ensuite introduit des morceaux de virus pour voir comment le sang réagissait. Alors dans le système immunitaire, ce sont les lymphocytes T et les lymphocytes B à mémoire, qui résident dans les globules blancs, qui permettent une mémoire immunitaire de longue durée. Cette étude montre que même 8 mois après une première infection, les lymphocytes B à mémoire se souviennent du virus et produisent rapidement des anticorps protecteurs. De plus, les chercheurs montrent que ces cellules reconnaissent l'un des deux composants du SARS-CoV-2, les protéines de pointe et de nucléocapsides. Il est encore trop tôt pour dire combien de temps l'immunité spécifique peut durer, mais ces résultats sont un réel espoir pour une protection à long terme des vaccins. Et vous pouvez retrouver comme chaque jour ces études et articles sur notre fil Twitter, @laméthodefc. On passe au bref. L'Angleterre a confirmé avoir identifié deux cas de variants de SARS-CoV-2 liés à l'Afrique du Sud. Natacha, êtes-vous là ? On va passer au bref et on continue dans les brèves. L'Angleterre a confirmé avoir identifié deux cas de variants de SARS-CoV-2 liés à l'Afrique du Sud. Oui, l'autre variant qui inquiète, c'est celui découvert en Afrique du Sud la semaine dernière. Le ministre de la Santé du pays avait déclaré que cette souche était plus contagieuse et qu'elle touchait aussi les jeunes. Hier, le ministre de la Santé britannique a annoncé que deux cas de ce variant ont été identifiés en Angleterre et que cette nouvelle souche serait plus contagieuse encore que l'autre souche anglaise qui inquiète déjà. Alors, est-ce un effet statistique ? Pour le moment, ce variant est toujours en cours d'analyse et là encore, de nombreux experts pensent que ces mutations n'empêcheront pas les vaccins d'agir. Des mesures plus strictes seront prises dès demain au Royaume-Uni. En bref, toujours, une étude parue dans eBioMedicine décrit la découverte d'une bifidobactérie qui pourrait aider à lutter contre l'obésité. L'obésité est l'une des maladies chroniques les plus répandues au monde et les traitements sont limités et peu efficaces. Ces chercheurs irlandais ont découvert une nouvelle souche de bifidobactéries longum, aux effets probiotiques. Elle a été baptisée APC-1472. Cette souche a été testée sur des souris, puis chez des personnes en surpoids et en bonne santé. Les chercheurs ont observé des effets bénéfiques significatifs sur leur métabolisme. Elle aiderait à réduire leur glycémie à jeun et à normaliser les niveaux qui stimulent la faim et le stress, la ghrelline et le cortisol. Voici une preuve de plus des liens étroits entre microbiome, maladies métaboliques et santé mentale. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Ecology, des poulpes ont été surpris en train de frapper des poissons. Et de la violence gratuite chez les poulpes, peut-être. Une équipe portugaise a filmé des poulpes en train de frapper des poissons avec leurs tentacules, comme des baffes. Ces baffes surviennent dans un contexte particulier. particulier lors de la chasse. On sait que des poulpes et certaines espèces de poissons collaborent pour chasser ensemble des proies. Le poulpe peut donc gifler un poisson pour des raisons pratiques, pour récupérer une proie. Mais les vidéos montrent aussi des poulpes qui frappent au hasard les poissons, sans aucune raison apparente. Nous avons décidément beaucoup à apprendre de la complexité des relations interespèces et de l'intelligence du poulpe. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour un journal des sciences en forme de cadeau de Noël avec une sélection d'informations à côté desquelles nous aurions pu passer cette année. Le 18 décembre 1994 apparaissait aux yeux du monde l'une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille trace connue d'art pariétal, dans une grotte exceptionnelle découverte non loin du Pont d'Arc en Ardèche, la grotte Chauvet. Pour faire honneur à cette grotte, mais aussi pour témoigner de la richesse des recherches qui y sont consacrées depuis plus de 20 ans, est parue aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme cette monographie de la grotte Chauvet Pont d'Arc, un atlas dont je disais tout à l'heure qu'il est hors norme. On y plonge dans les réseaux de la grotte par de splendides illustrations, mais aussi et surtout par des cartes au degré de détail inégalé. C'est donc un voyage dans l'espace et dans le temps que vous nous proposez, Jean-Michel Genest et Jean-Jacques Delannoy. Et pour démarrer ce voyage, je vous propose d'écouter une archive. C'était il y a 26 ans, quasiment jour pour jour. C'est décidément la semaine des découvertes préhistoriques. Dimanche dernier, c'était dans Lyon. Aujourd'hui, le ministre de la Culture, M. Toubon, annonce la mise à jour d'une grotte près de Vallon-Pont d'Arc, dans l'Ardèche, rassemblant 300 peintures rupestres d'animaux parfaitement conservés. Thierry. C'est plus qu'un événement. Et déjà, la grotte de Combes d'Arc, sur la commune de Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, est considérée par les spécialistes comme une merveille scientifique et artistique. Le 18 et 24 décembre, un courant d'air attire l'attention d'une mission de prospection du service des antiquités. C'est la découverte d'un trésor préhistorique. Ces deux rhinocéros, face à face, en bas de l'image, et ces quatre têtes de chevaux remonteraient, d'après les premières observations, à 20 000 ans avant notre ère. Fait rarissime, les hommes préhistoriques de l'Ardèche ont peint des animaux très peu représentés dans les grottes préhistoriques connues. Des rhinocéros laineux, des félins, dont plusieurs panthères, beaucoup d'ours, des cerfs d'Irlande et même une représentation de hibou. En tout, plus de 300 représentations d'animaux. Exceptionnel aussi, le sol est encore vierge car ceux qui l'ont découvert ont eu l'intelligence de le protéger et de ne pas s'intéresser uniquement aux peintures. Il faut maintenant dater la grotte avec précision, mais par son importance scientifique et sa beauté, elle serait d'ores et déjà comparable à celle de Lascaux. Voilà, c'était en 1994. On a fait un petit et très court voyage dans le temps. Jean-Michel Genest, est-ce que vous vous souvenez de cette annonce-là et de ce jour-là? Comment vous aviez réagi à l'époque? Jean-Michel Genest, est-ce que vous m'entendez? Jean-Jacques Delannoy, peut-être je vous pose la même question. Est-ce que vous vous souvenez de cette annonce de la découverte de la grotte Chauvet toute fin décembre 1994? Oui, je me rappelle très bien. C'était effectivement les périodes de Noël. On était en famille, on regardait le journal télévisé et il y a cette annonce d'une nouvelle grotte dans un site qui est fantastique, qui sont ces gorges de l'Ardèche, à côté d'un pont d'arc, un pont naturel au sud de l'Ardèche. Et c'est vrai que tout de suite, la description qui en est faite montre qu'on est devant une cavité exceptionnelle. Alors, on l'entendait dans l'archive, il y a eu une petite erreur au début de datation de la grotte. On parlait de 20 000 ans et en fait, en réalité, la grotte, Jean-Jacques Delannoy, elle est plus vieille que ça. Ça, on l'a su plus tardivement, oui. puisque ce sont effectivement les datations qui ont été faites sur les charbons de bois, puisque en fait, une des caractéristiques de ces grandes fresques peintures qui sont sur les parois de la grotte, c'est qu'elles sont faites avec effectivement avec du charbon de bois, donc un objet qui est datable. Mmh. Et c'est effectivement la datation de ces charbons prélevés minutieusement sur les parois, mais également des charbons de bois qui sont au sol, qui montrent qu'effectivement on est là devant des œuvres qui ont 36 000 ans. Alors vous évoquiez, Jean-Jacques Delannoy, le paysage qui environne ces grottes cette grotte Chauvet. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce paysage? Et puis un peu plus globalement, vous qui êtes géomorphologue et qui vous intéressez au relief, et puis ensuite nous expliquer la différence qu'il y a entre le paysage qu'on connaît un petit peu de ces grottes de l'Ardèche aujourd'hui et il y a 36 000 ans, à l'époque où ces homo sapiens se sont avancés dans la grotte. Alors, tout d'abord, la grotte Chauvet, elle a déjà une particularité. C'est une grande cavité. Mmh. Elle fait effectivement 600 mètres hein, de développement, ce qui est quand même beaucoup par rapport à des grottes des fois un peu plus petites, mais tout à fait grandes par leurs œuvres, comme la grotte de Lascaux. Et ce qui caractérise surtout la grotte Chauvet par rapport à d'autres grottes, c'est la très très grande diversité du paysage souterrain. Mmh. Ce sont d'abord des très très grandes salles, dont certaines font plus de 50 mètres de portée, quarantaine de mètres de large, 30 mètres de hauteur, donc des très grands vides souterrains. Et puis après, une organisation qui est assez particulière, puisqu'on passe de grandes salles par des zones de rétrécissement, de nouveau des grandes salles, comme s'il y avait une respiration dans l'architecture de cette grotte. Et elle a en plus des dimensions que j'allais dire presque organiques. Alors j'entends par organique le fait que les formes elles soient extrêmement douces, extrêmement, je veux dire, sinueuses. Ondoyantes, oui. Exactement, ondoyantes, aussi bien au niveau des plafonds que sur les parois, qui fait que c'est une grotte qui est douce, j'allais dire. Ouais. Il y a des fois des grottes qui sont un peu agressives parce qu'elles sont avec des gros chaos de blocs, des choses comme ça. Celle-ci, elle est assez douce, en fait, par ses formes et par... sa planéité aussi de ses sols. Effectivement, c'est une grotte qui est extrêmement complexe sur ses parois, ses plafonds, et j'allais dire assez simple au niveau de ses sols, puisqu'ils sont relativement plans tout au long du parcours souterrain. Voilà pour le paysage souterrain que vous nous offrez, Jean-Jacques Delannoy. On a retrouvé Jean-Michel Jeunesse. Alors Jean-Michel Jeunesse, je commençais en vous posant une question concernant cette archive qu'on a diffusée de la découverte de la grotte Chauvet en 1994. Est-ce que vous vous souvenez de cette annonce-là et de votre réaction à vous, qui êtes l'un des plus grands spécialistes français de l'art pariétal? Vous savez, on est toujours surpris quand on apprend la découverte d'une grotte ornée, parce que à la fois c'est rare, mais les dernières années, les dernières décennies, les découvertes de nouvelles grottes ont été des découvertes exceptionnelles. Il y a eu Chauvet, mais il y a eu la grotte de Cussac en Dordogne, il y a eu la grotte de Cosquaire. Et donc on est extrêmement intéressé et on est anxieux. On est curieux de savoir ce que vont réserver ces grottes. La plupart des grottes qui sont maintenant découvertes ne sont plus des grottes qui sont évidentes et visibles dans le paysage, mais ce sont plutôt des grottes qui sont découvertes dans des conditions très particulières par des spéléologues, par des grottes donc qui sont dans des états de conservation assez exceptionnels. Et les trois que je viens de citer, c'est le cas. Donc l'annonce de la découverte de la grotte Chauvet, il était évident que dans cette région, c'était quelque chose qui devait être quelque chose de rare, de très bien conservé. L'état de conservation, c'est quelque chose qui importe énormément, puisque c'est de lui que dépend la qualité des œuvres et la qualité des vestiges archéologiques que l'on va pouvoir étudier, réunir, mettre ensemble pour essayer d'aborder et d'interpréter ce monde particulier de l'art paléolithique. Alors Jean-Michel Jeunesse, vous évoquez le caractère toujours exceptionnel de la découverte d'une grotte ornée, mais avec Chauvet, c'était quand même le parangon, c'était plus exceptionnel qu'exceptionnel encore. Oui, parce que on comprenait dans le reportage et dans les annonces qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel par les œuvres. Par des œuvres qui avaient tout de suite un caractère monumental, qui étaient nombreuses et qui avaient aussi une technique et une allure que nous ne connaissions pas à l'époque. Donc on se prenait à imaginer l'âge, le contexte, la richesse de ce probable sanctuaire, etc. Et dès l'annonce d'une découverte, il y a énormément d'investissements. L'imaginaire se met à fonctionner, et l'imaginaire y compris des scientifiques, puisque toutes nos connaissances scientifiques sont mobilisées. Notre ordinateur central balaye toutes les données et dit donc, voyons, par rapport à tout ce qu'on connaît, qu'est-ce que ça peut être? Et effectivement, la découverte de Chauvet fut quelque chose d'exceptionnel au sens où la grotte était particulièrement intacte et il y avait des grandes quantités et catégories de vestiges qui ne sont pas présentes ailleurs ou qui ne sont plus dans d'autres grottes, et des œuvres dans un état de fraîcheur qui lui aussi est tout à fait remarquable, parce que la grotte avait été fermée depuis très très longtemps. Et on va rentrer dans cette grotte dans un instant. C'est la présence de l'homme qui est révélée par ses empreintes de pied. Ça correspond, si on se réfère à nos critères actuelle à un enfant qui aurait entre 8 et 9 ans. Les empreintes suivent un cheminement qui est pas difficile, mais enfin où il faut se baisser, et le plafond est assez bas, et l'enfant a mouché la torche, c'est-à-dire a nettoyé la torche qu'il utilisait sur le plafond. Il marchait accroupi, quelquefois il se relevait, et il mouchait sa torche de façon à mieux s'éclairer. Et ces mouchages de torche ont été datés autour de 26 000 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'émouvant, je dirais presque, à voir ces traces de pieds, qui sont donc des petits pieds, enfin on les voit très nettement? Ah, très nettement, oui, et ils sont tout à fait comparables à ce qu'on verrait sur une plage argileuse. Non, c'est tout à fait émouvant, parce que ces empreintes constituent quand même un témoignage de l'individu vivant, alors que les objets qu'on trouve ou les squelettes ne parlent pas si fort à l'individu. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté à des empreintes, on a tout de suite cette vision de l'homme debout, en quelque sorte. Voilà, vous aurez sans doute reconnu Jean-Michel Jeunesse, Jean-Jacques Delannoy, la voix de Michel Garcia, qui en 1999 sur France Inter parlait de l'un de ses vestiges, d'une de ses traces vraiment émouvantes dans la grotte Chauvet, ses traces de pas d'adolescent. Jean-Michel Jeunesse. C'est très impressionnant. Ça fait partie de ce cortège de vestiges qui, dans cette grotte qui a été très très longtemps fermée, immédiatement après l'occupation par les humains paléolithiques, aurignaciens, de la culture aurignacienne en l'occurrence, se sont bien conservées, donc des pistes, enfin des empreintes humaines et des empreintes animales aussi en grand nombre. Et là, cette piste humaine a été retrouvée dans une zone profonde de la grotte, avec un plafond bas, donc un endroit très bien préservé, des incursions des autres humains et des incursions des animaux qui n'ont pas superposé leurs empreintes à ce passage d'un adolescent. Et c'est ça qui est émouvant. Et le émouvant, ça veut dire en fin de compte que cette grotte, même si elle a 30 000 ans, quand on travaille à l'intérieur aujourd'hui, elle redevient vivante. Tous ces éléments, tous ces vestiges sont dans un tel état de fraîcheur qu'effectivement la vie n'est pas très loin et on en sent la complexité des éléments, et c'est à ce titre-là qu'on peut dire qu'elle est effectivement vivante avec ses arts, toutes ses expressions artistiques et, oui, tous ces autres vestiges, catégories de vestiges que l'on peut percevoir. Jean-Jacques Delannoy, pour exprimer toute cette complexité, toute la variété de ces vestiges, je parlais tout à l'heure en introduction de l'émission de cet atlas monumental que vous avez piloté. Est-ce que cette forme de l'atlas, elle s'est naturellement imposée, et pourquoi avoir choisi la forme de l'atlas pour parler d'une grotte souterraine? Alors, la forme de l'atlas est venue, j'allais dire, presque assez naturellement, tout simplement parce que la carte est un support, en fait, d'acquisition et de lecture de la carte, et ça par les différentes disciplines qui travaillent dans la grotte. Et souvent, le fait de cartographier, de porter sur une topographie de la grotte les objets, de les spatialiser, de les observer, de les représenter sous forme de dessin, leur redonne en fait une certaine existence, et cette fois-ci une existence qui passe par, comme le disait Jean-Michel, par l'intelligence, par la connaissance et par la reconnaissance en fait de ces objets. Donc, assez rapidement, dans le début de l'équipe scientifique, la carte a été très fédératrice pour travailler ensemble, pour croiser les données à la fois de l'archéologie, de la paléontologie, des sciences géologiques et géomorphologiques, et aussi parce que cette grotte, et notamment aussi bien au niveau de ses parois, mais également sur ses sols qui sont effectivement tellement, tellement bien conservés, oui, il y a là un nombre incroyable d'informations qui sont juxtaposés, qui sont presque en dialogue, qui sont emboîtés, et la carte justement était un moyen de rendre compte aussi de cette complexité. Alors quels sont quelques exemples de ces vestiges qui sont présents sous vos yeux, que vous ne touchez pas, et on reviendra après pourquoi, aux raisons pour lesquelles vous ne grattez pas dans la grotte et que vous ne fouillez pas dans la grotte, mais quels sont les vestiges qui sont visibles dans la grotte, autres que ces peintures magnifiques sur lesquelles on reviendra plus tard aussi? Alors, Il y en a une multitude. Oui, c'est ça le problème. On ne sait plus par quelle boule prendre. Difficulté, mais en même temps, je veux dire, tout l'intérêt. Rien que pour vous dire, sur cette carte, il y a 80 pictogrammes ou symboles différents pour représenter ce qu'il y a dans la cavité. Ça c'est vous montre une légende déjà, colossale. Voilà, la diversité des informations qui sont marquées. Donc, ce sont effectivement ces empreintes laissées par les animaux. Ce sont des structures, des aménagements, des petites constructions laissées par les hommes du Paléolithique. Ce sont des traces de ruissellement liées à des petits écoulements qui ont repris en charge un certain nombre d'ossements. Ce sont les stalactites et les stalagmites qui vont ensuite commencer à encroûter, avec des films de calcite brillant les sols. Vous voyez, c'est toute cette diversité-là qui a été portée sur cette carte et qu'on observe. Et bien entendu, ce qu'on va essayer avec un exercice comme celui de l'Atlas, c'est essayer de créer, justement par l'acte de la cartographie, essayer de remettre déjà des temporalités, mais cette fois-ci d'abord relatives, qui est avant qui est après qui. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va être ça, le fil conducteur de l'histoire et de l'évolution de la grotte Chauvet. Jean-Michel Jeunesse, sur cette forme de l'Atlas, c'est une forme qui s'est imposée directement et je trouve que c'est une forme qui rend particulièrement bien compte d'un fait, d'un travail multidisciplinaire qui est un travail rarement très pertinent. Mais là, dans ce cas-là de la grotte Chauvet, la multidisciplinarité a une importance déterminante. Dites-nous pourquoi. La grotte est certes immense, mais dès le départ de ce projet, il a été décidé de l'aborder avec une multitude de disciplines. Donc, nous avons maintenant derrière nous plus d'une vingtaine d'années de recherche et la recherche se poursuit aujourd'hui dans la grotte sous la direction de Carol Fritz. Il y a donc la nécessité, et c'est pour ça que la carte se trouve être un outil fédérateur, à avoir un dénominateur commun ou en tout cas une mémoire commune. Et je me souviens qu'au début des recherches, lorsque aujourd'hui on voit un atlas, mais cet atlas a une longue histoire de conception et en tout cas ses cartes. Et le processus de réalisation des cartes a pris des années. Et au fur et à mesure que nous voyons ces cartes se mettre en place, on imaginait tout ce qu'on allait pouvoir y mettre à l'intérieur. Et c'est pour ça que au premier temps de la communication, puisque c'est le premier volume d'une série, il y a dans ces cartes et dans cet atlas consigné la position spatiale dans l'espace de tous les éléments à l'heure actuelle identifiés. Donc chaque discipline y retrouve sa place, aussi bien les personnes et les chercheurs qui travaillent sur l'art où les œuvres sont localisées, mais les empreintes sur le sol, les ossements déplacés, les endroits aussi où les différentes disciplines sont allées faire des prélèvements, des analyses et la synthèse de leurs résultats. C'est tellement incommensurable comme multidisciplinarité qu'il fallait effectivement un outil fédérateur assez complexe. Et c'est pour ça que tout ce dispositif de cartes est certes devenu naturel, mais en fin de compte, c'est le seul que nous ayons à l'heure actuelle qui puisse représenter un monde, le monde qu'est une grotte ornée du type de la grotte Chauvet, qui n'est pas une petite grotte, mais qui est un ensemble de galeries et qui renferme une multitude d'éléments. En outre, ces cartes ont un aspect dynamique. Ce que n'a pas encore dit Jean-Jacques, c'est qu'effectivement, en les regardant, vous voyez la nature des sols, mais vous voyez l'histoire des sols et leur ancienneté. Donc en apprenant à lire les cartes, on rentre aussi dans la longue histoire de la grotte. Alors Jean-Jacques Delannoy, Jean-Michel Jeunesse vous tend une perche sur cette longue histoire géomorphologique de la grotte. Est-ce que vous pourriez nous en faire un bref résumé, parce qu'on n'a pas des millions d'années devant nous comme l'a eu la grotte pour se former, mais voilà, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette histoire physique de la grotte ? Alors, cette grotte, elle a vraiment une particularité, c'est que elle contient une variété d'histoires et un continuum dans ces histoires qui est vraiment remarquable. La grotte, on peut voir dans la grotte, dans certains espaces de la grotte, les prémices de sa création il y a 5,5 millions d'années. Et on voit toute son évolution qui est commandée par l'évolution qu'on appelle paléogéographie, c'est-à-dire de la géographie aux alentours de la grotte Chauvet, tout ça est enregistré dans la cavité. Et ensuite, cette grotte, elle a évolué, elle s'est fermée, elle était complètement colmatée, elle s'est réouverte, de nouveau complètement colmatée, réouverte et tout ça. Et c'est toute cette histoire-là, finalement, qui lui donne ces paysages souterrains qui sont vraiment très particuliers dans la grotte Chauvet. Et puis ensuite, elle a enregistré d'autres histoires qui sont les variations du climat pendant les ères froides du Quaternaire et aussi les périodes chaudes. Et ensuite, l'histoire des hommes et des animaux. Et donc, en fait, souvent on dit que cette grotte, elle a enregistré en fait les temps de la nature, les temps de la Terre, et aussi, bien entendu, les temps de l'humanité et des animaux qui existaient au moment du paléolithique dans cette région-là. Et si les vestiges sont aussi bien conservés dans la grotte Chauvet, c'est grâce à l'histoire de la géologie, grâce à cette histoire-là. Jean-Jacques Delannoy, est-ce que vous pourriez nous raconter quand la grotte s'est fermée au public, enfin, elle s'est fermée au monde, on va dire, sans être complètement fermée, on y reviendra plus tard, mais comment elle s'est fermée, quand et pour quelles raisons, finalement, c'est ce qui a permis à ces vestiges de nous parvenir en si bon état? Voilà, effectivement, la grotte, son état de conservation est lié, on va dire, à trois événements catastrophiques qui se sont succédés, qui sont des effondrements de la paroi calcaire, de l'escarpement calcaire, qui est juste au-dessus du porche préhistorique. Il y a eu trois événements, il y a 29 000 ans, il y a 25 000 ans et il y a 21 000 ans. Et ces différents pans d'escarpement qui sont tombés ont colmaté, ont bouché l'entrée par lesquelles ont pénétré les communautés paléolithiques. Et il est, du coup, à partir de 21 000 ans, et je pense, personnellement, je pense que déjà à partir de 25 000 ans, mais assurément à partir de 21 000 ans, plus personne n'a pu rentrer dans cette grotte, mis à part quelques petits musaraignes et petits chauves-souris. Il faut attendre donc pratiquement plus de 20 000 ans avant que Jean-Marie Chauvet et ses compagnons découvrent. Éliade Brunel, Christian Hiller. Jean-Michel Jeunesse, ce qui est intéressant dans ce que dit Jean-Jacques Delannoy, c'est que donc cette grotte s'est fermée et que son entrée initiale était sur un versant de la colline dans ces gorges de l'Ardèche qui donnait sur un paysage un peu plus spectaculaire. Il y avait un côté spectaculaire, c'était un site d'importance au temps où les Homo sapiens sont entrés il y a plus de 30 000 ans. Oui, et ce caractère, comment dirais-je, ce caractère spectaculaire dans l'environnement est propre à certains sites d'art rupestre et notamment certains importants sites d'art rupestre. Ils sont dans des endroits du paysage assez privilégiés. L'art rupestre et l'art paléolithique, même si dans les grottes profondes, mais il existe aussi à l'air libre sur des falaises, et est un art qui se caractérise par son inscription dans le paysage, dans le monde parcouru par les humains. Et là, on est obligé de se rendre compte, même aujourd'hui, quand on rentre dans les gorges de l'Ardèche, il y a un canyon d'environ un peu moins d'une vingtaine de kilomètres. Et quand on rentre dans ces gorges étroites, on est surpris de voir ces falaises et cette multitude de grottes qui sont là. Parmi ces grottes, ces centaines de cavités naturelles, il y en a quand même dans les grottes de l'Ardèche, 29 exactement, qui sont des grottes qui ont été occupées au paléolithique et qui sont des grottes ornées. Elles ne sont pas aussi prestigieuses parce qu'elles n'ont pas autant d'œuvres que la grotte Chauvet, mais elles sont quand même présentes là. Et l'endroit où se situe la grotte Chauvet dans le cirque d'Estre, ainsi qu'il s'appelle, c'est une boucle fossile de la rivière. Il y a encore la rivière qui passe sous une grande arche naturelle, et cette arche naturelle qui existait déjà à l'époque paléolithique, ainsi que l'ont montré des travaux et une thèse récente faite sur ce secteur de la vallée de l'Ardèche, marquait le paysage, marquait les mémoires. En outre, dans cette falaise, parce que la grotte se situe plutôt en position sommitale dans la falaise, il y a une vire naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un chemin naturel qui est marqué dans la roche, et donc cette bouche rocheuse qui se voyait particulièrement particulièrement bien, parce que c'est une grotte qui est à l'heure actuelle peut-être décrite comme un peu plus d'une dizaine de mètres de largeur, presque 20, 10 mètres de haut. Il y avait une bouche noire dans la falaise qui était visible en contrebas dans un paysage lui-même spectaculaire et dans un paysage où il y avait moins, probablement beaucoup moins de végétation qu'à l'heure actuelle, de la végétation en fond de vallée, de la végétation sur certains plateaux. Donc la grotte était perceptible. On pouvait la pressentir et la voir dans le paysage. Et cela, c'est un élément important. Restez avec nous. Nous allons continuer de parcourir après la pause cette grotte Chauvet et les cartes qu'en dresse cet atlas. The Silence par Chofiti à 16h32 dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la grotte Chauvet et de l'Atlas qui est consacré, qui est paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Et nous en parlons avec les deux coordinateurs de l'ouvrage, Jean-Michel Genest et Jean-Jacques Delannoy. Alors je le disais en introduction de l'émission, la monographie de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc rend compte des nombreuses recherches scientifiques réalisées dans la grotte. Ces recherches ne pourraient pas être réalisées sans une constante attention à la bonne conservation de la grotte. Et pour parler de ça, je me suis rendu à la rencontre de Marie Bardiza, qui est la conservateur de la grotte Chauvet et chef de la conservation de la grotte depuis 2014. Elle nous explique les nombreux enjeux et les nombreux défis que représente la conservation d'une grotte aux vestiges fragiles. Contrairement à ce qu'on pense, elle n'est pas coupée du monde. Cette grotte, elle est en contact avec l'extérieur. Et même si c'est une cavité qui, par justement l'effondrement du porche qui précédait son entrée, a été protégée, malgré tout, il y a des échanges avec l'extérieur. Alors, depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a des modifications du climat interne. Dès qu'on a commencé à faire justement le suivi climatique et microbiologique de la grotte dès 1995-96, c'est-à-dire peu de temps après la découverte, eh bien, on s'est aperçu que cette atmosphère était très stable. Et c'est comme ça qu'on explique que la bonne conservation des œuvres. Or, cette stabilité, elle est un peu perturbée ces dernières années. On observe une augmentation de la température qui était toujours à 13,5 degrés. Là, on voit que ça monte un petit peu. C'est pas énorme, mais on le constate. On constate également une hausse du gaz carbonique, du taux de gaz carbonique, qui a un régime saisonnier, mais dont les taux sont en train vraiment de monter d'une façon assez spectaculaire qu'on n'avait pas connue avant. On arrive quand même à atteindre plus de 4% de gaz carbonique dans la salle du fond, ce qui est considérable. Je rappelle que l'air qu'on respire dans l'atmosphère, c'est 0,03%. C'est vraiment très très peu par rapport à ce que l'on trouve dans la grotte elle-même. Comment on explique à la fois cette évolution, ces variations par rapport aux premiers relevés qui ont été effectués en 1995 et quelles conséquences ça peut avoir sur la grotte et les œuvres qui y sont présentes? Il n'y a pas que les peintures, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et pour la conservation, c'est très important parce que plus on découvre de choses et plus on a de choses à conserver. Vous voyez, hein. Donc on est extrêmement attentif à ce qui se passe en termes de climat, en termes d'atmosphère intérieure, parce qu'on ne sait pas les conséquences que ça peut avoir. Alors, est-ce que ça peut développer des voiles de calcite sur les peintures? C'est possible. Est-ce que ça peut modifier l'hygrométrie? Peut-être. Alors, pour le moment, on ne sait pas trop. C'est un domaine qui ne met pas vraiment familier, parce que c'est le domaine des sciences dites dures. Hein. Et justement, parce que ce n'est pas un domaine familier pour moi et pour mon équipe, parce que je parle de moi, mais on est quatre. Hein. Je travaille avec Charles Chauveau, Paulo Rodriguez et Christophe Touvenot, et je les cite parce que sans eux, le travail ne serait pas ce qu'il est. Hein, et je crois que c'est important de le rappeler. Et donc, toutes ces choses que nous avons à conserver, nous avons rechercher de nouveaux moyens pour essayer de mettre sur pied justement un nouveau plan de conservation préventive qui a commencé à se dessiner en 2014 au moment où la grotte a été inscrite justement sur la liste du patrimoine mondial. Et l'un des outils extrêmement importants dont on s'est doté, c'est un relevé numérique en 3D de l'ensemble de la grotte. On a souhaité disposer d'un relevé le plus exhaustif possible et avec une homogénéité optimale. Pourquoi? Parce que c'est comme disposer de l'empreinte de la grotte. C'est-à-dire que si, pour une raison ou une autre, il arrivait qu'il y ait des modifications importantes, je rappelle qu'en octobre ou novembre 2019, on a eu un tremblement de terre qui est passé pas loin de la grotte quand même. Ça aurait pu avoir des conséquences importantes. Bon, les conséquences environnementales. Mais aussi, quand on a fait ce relevé numérique, il y avait la menace des catastrophes qu'on avait connues à Mossoul ou à Palmyre. Donc, on s'était dit, ce serait bien qu'on dispose de cet outil. Donc, on a mis en branle ce projet de relevé numérique en 3D. Il existe. C'est un relevé qui est à peu près à 95% de la totalité de la grotte. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir ça. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, ça, de faire ce qu'on appelle un constat d'état, c'est-à-dire constater l'état de tous ces objets qui sont dans la grotte et marquer en quelque sorte un temps T0 à partir duquel on pourra dire « bon ben là, ça a changé » ou « là, voilà ». Ça, c'est très important. Et puis, l'autre outil qu'on se propose de développer aussi, c'est le SIG, système d'information géographique, sur la base du relevé numérique en 3D, auquel on ajoutera la dimension temporelle et dans lequel on va pouvoir verser toutes les informations que nous recueillons par ailleurs dans un chronogramme qui est un recueil de toute l'archive documentaire qui se réfère à la grotte depuis qu'elle a été découverte. Sur les prochaines grandes étapes en lien avec la conservation de la grotte Chauvet, quels sont les plans à venir, les grands axes de recherche et de travaux qui vont être réalisés dans cette grotte? Alors nous avons un très gros projet qui est lié justement aux perturbations de l'environnement. Nous avons créé, il y a un an tout juste, un conseil scientifique dédié à la conservation qui réunit des spécialistes des sciences dites dures, hein, de l'hydrogéologie, de la climatologie, de la physique, de la géomorphologie, bon, toutes ces sciences dont on a besoin pour mieux connaître la grotte, parce que aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a plus de connaissances sur les périodes très anciennes que sur ce qu'elle est aujourd'hui vraiment, et sur son écosystème, hein, et sur les modifications de son écosystème. Et donc on a créé ce conseil de façon à pouvoir développer justement des études qui nous permettent d'en savoir plus, hein, sur ce qu'est la grotte elle-même et son environnement immédiat. Voilà pour ce travail complexe mais néanmoins nécessaire de conservation de la grotte Chauvet. Une réaction peut-être, Jean-Jacques Delannoy, au propos de Marie Bardiza, qui est la chef de la conservation de la grotte Chauvet. Marie a dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est que la grotte, ce n'est pas un espace clos, c'est quelque chose qui, une grotte respire, elle évolue, elle avec les éléments extérieurs. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et peut-être qu'on n'a pas suffisamment pris en considération dans les décennies à venir. Et pour ce qui est notamment de la grotte Chauvet, c'est une grotte aujourd'hui qui est paradoxalement justement coupée des grandes circulations d'eau. C'est plus une grotte qui est active, comme on dit en spéléologie, c'est-à-dire avec des rivières souterraines, etc. Mais tout ce qui va faire son équilibre à la fois climatique, hydrologique, hygrométrique, va passer par ces petites gouttes d'eau qui tombent des stalactites et stalagmites, va passer par les petits courants d'air qui vont être filtrés par cet éboulis qui ferme le porche préhistorique. Et tout ça va créer en fait des conditions extrêmement, je veux dire, favorables à la conservation, tout au moins jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison. Je veux dire que c'est même les modifications aujourd'hui du climat altèrent de manière forte les œuvres et les vestiges archéologiques. Parce qu'une grotte, elle peut réagir de manière extrêmement rapide à des transformations si on l'a, bousculée. C'est-à-dire si on a, par exemple, agrandi son entrée, si on a changé son architecture, ses morphologies intérieures, et ce n'est pas du tout le cas dans la grotte Chauvet, puisque l'entrée par lequel sont rentrés les explorateurs, a été légèrement agrandi, mais recalibré par la suite pour conserver justement toutes les conditions climatiques et hydrométriques favorables à la préservation de la cavité. Jean-Michel Genest, pour vous, c'est ça, la grotte Chauvet, c'est un organisme vivant ? Absolument, oui, oui. Ça, c'est ce que nous avons appris depuis les premiers problèmes qui sont apparus dans des grottes comme la grotte de Lascaux qui a dû être fermée dans les années 60. C'est effectivement, il faut énormément d'attention à ces cavités et qui contiennent à la fois des éléments très importants de l'histoire de l'humanité, mais qui sont en interaction, en échange avec l'environnement. Il ne faut pas modifier ces échanges, il ne faut pas y introduire de changements intempestifs ou brutaux. Et c'est aussi, Marie Bardiza et Jean-Jacques ont bien rappelé, la grande complexité et l'interdisciplinarité même de la conservation de ces monuments, avec l'utilisation de beaucoup de ressources scientifiques et beaucoup d'attention, surtout dans des périodes de changement climatique dans lesquelles nous sommes toujours, plus ou moins. Et ça, vous le dites bien, d'ailleurs, dans l'Atlas, il y a une dimension organique et même anatomique au travail que vous avez réalisé. Je vous cite, vous dites « Les atlas d'anatomie humaine ont en commun avec le nôtre l'objectif de présenter un tout, le corps humain, la grotte, en exposant séparément les structures anatomiques, le squelette, puis les parties molles qui s'y rattachent, les muscles, les nerfs, les vaisseaux, les secteurs, les parois, les sols, les éléments isolés. » Jean-Jacques Delannoy. Alors du coup, vous êtes médecin, géoanthropomorphologue, voilà, vous êtes tout à la fois. Ah, le médecin, c'est plutôt Jean-Michel. C'est ça, c'est lui qui s'occupe de... Et l'idée, de comparer cet atlas, quand même au départ très, très physique, je veux dire très géologique, très géomorphologique, avec l'atlas de l'anatomie, ça c'est Jean-Michel qui a fait ce lien, et c'est vrai que depuis... ça paraît une évidence, mais comme beaucoup de choses, hein, avant que ce soit écrit, ça ne l'est pas. Et c'est vrai que le lien avec un corps humain, il est tout à fait adapté à l'étude de la grotte, justement parce que c'est un organisme vivant. On parle aujourd'hui d'écosystème souterrain, et parce que justement il y a une vie qu'on ne voit pas forcément, qui est liée à des bactéries, à des champignons qui participent à ce qu'est la cavité, ce qu'est la grotte. Par exemple, il y a un endroit de la grotte où on a des parois qui sont recouvertes par un film d'argile. dans lequel justement les préhistoriques, ils ont fait des dessins au doigt, cette paroi, molle, cette paroi, altérée, elle est le travail de certaines bactéries qui ont mangé progressivement le calcaire et qui lui ont créé, en fait, cette interface entre l'extérieur et la roche. Vous voyez donc, et aujourd'hui, c'est pareil, il y a encore, et il y a beaucoup de choses qui restent à découvrir. Et ça, effectivement, les travaux qui ont été faits, notamment autour de la conservation de la grotte de Lascaux, a montré qu'à un moment donné, quand les services de la conservation demandaient aux scientifiques comment on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on répond, et là, globalement, on s'est quand même beaucoup regardé entre scientifiques en se disant, finalement, le monde des grottes, malgré le fait que ça fait maintenant plusieurs décennies, voire presque un siècle, qu'il y a des gens qui travaillent dans les grottes, tout reste encore à connaître. C'est encore un monde, en grande partie inconnu, et notamment avec ses liens avec la biologie. Et là, je pense qu'il y a tout un monde qui est ouvert devant nous avec des sciences qui vont émerger dans les années qui viennent. Voilà, c'est la genèse de cet art de scientifique, finalement, de conservation et de compréhension de ces œuvres. Alors voilà, ces œuvres, on va y venir quand même, parce qu'on peut difficilement évoquer la grotte Chauvet sans les évoquer. Elles sont merveilleuses, ces peintures, ces gravures. Alors c'est Noël, Jean-Michel Genest, est-ce que vous pourriez nous faire un cadeau et nous dire un petit peu, ou dire même aux chanceux qui n'ont encore jamais vu ces représentations, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors il y en a beaucoup de ces images, mais est-ce que vous pourriez nous décrire quelques-unes d'entre elles? Oui, dès la découverte, la grotte Chauvet s'est caractérisée par des œuvres et des techniques d'expression sur la roche qui n'était pas connue ou si fréquente que cela dans d'autres grottes. La première qu'on peut observer dans l'entrée de la grotte, dans les grandes premières salles qui sont dans la pénombre, à la fois éclairées, c'est des amas, c'est des grandes concentrations de ce qui apparaît comme des points d'une quinzaine de centimètres, en 12 centimètres, à peu près arrondis. Des ensembles de points, certains ayant un contour figuratif évoquant un quadrupède. Immédiatement, les chercheurs qui les ont étudiés, et en l'occurrence Valérie Frégliot et Dominique Baffier qui les étudiaient, se sont aperçus que ces taches rondes, c'était en fait des mains apposées. C'est la paume des mains enduite de couleur qui a été fortement appliquée sur la roche pour faire ces œuvres. Donc voilà, c'est une manière de fabriquer des points, et avec des points de représenter, peut-être de figurer des animaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la manière d'utiliser, d'appliquer la couleur. La technique est singulière, en ce sens que ce n'est pas un instrument artificiel qui est utilisé, mais c'est le corps humain qui sert à faire l'œuvre. Et ça donne certainement, et ça connote dans les perspective de l'époque ou dans la signification, probablement une partie du sens de l'œuvre. Le second exemple, c'est les salles profondes dont le calcaire est altéré en surface, comme l'indique Jean-Jacques Delannoy. Le calcaire n'est donc pas dur. Si on veut y dessiner ou y appliquer de la peinture, et cette paroi est molle. Donc en traçant avec le doigt, on enlève la mince pellicule d'argile qui est en surface et on fait apparaître un trait de la couleur du calcaire, blanchâtre, beige, ocre, etc. Et donc là, il y a un dessin qui est possible, et ces gravures, ces grandes gravures qui sont faites au doigt, à la main ou à l'instrument, sont relativement fluides, puisqu'il n'y a pas la résistance de la gravure, c'est simplement de la gravure par la technique. Mais ça, c'est une propriété du calcaire qui a été exploitée par les humains. La dernière, enfin, est que sur ces aplats mous, l'argile de la surface a été raclée de manière à obtenir des surfaces blanches, des sortes de fenêtres. Et là, ils ont réalisé des œuvres. Mais comme le charbon de bois, le fusain, s'enfonçait encore dans la matière, c'est de la poudre de charbon de bois écrasé qui a été appliquée. Et à ce moment-là, cette pâte noire, grise, a été déclinée comme la couleur d'une fresque. Et c'est les techniques de l'estompe. Et c'est ce qui caractérise les œuvres, par exemple, du panneau des chevaux ou d'autres, qui sont une technique très particulière et qui, en même temps, du fait de la stabilité hygrométrique, géométrique de ces salles ont fait que les parois sont toujours restées humides. C'est-à-dire que la fragilité est immense. Si vous l'effleurez avec un cheveu ou avec un vêtement, l'œuvre part. Oui, on constate alors là toute la fragilité, mais ce qui est magnifique dans ce que vous dites, c'est que toute l'histoire de l'art est déjà là contenue en germe. Toutes ces techniques-là, l'estompe, la gravure, l'anamorphose, même avec le jeu sur les reliefs de la grotte. Bien sûr. Et Jean-Jacques Delannoy, ce qui est intéressant aussi avec ces représentations fascinantes de la grotte Chauvet, c'est qu'elle nous donne des informations précieuses sur la faune de cette époque. Il y a plus de 12 espèces représentées, je crois, sur les murs de la grotte Chauvet. Oui, tout à fait, oui, oui, toute cette faune qui était contemporaine, hein, donc de cette période du paléolithique, pendant cette culture aurignacienne, et donc sont représentés là des mammouths, des rhinocéros, des mégacéros, donc ces cervidés avec des énormes parures, bien entendu des félins, des chevaux, bon, des ours. Des aurochs, beaucoup de choses, représentations. Ouais. Et Jean-Michel Genest, on est d'accord qu'aujourd'hui encore, le mystère des raisons pour lesquelles ces hommes préhistoriques ont peint sur les parois est encore total, entier. Toutes les hypothèses sont acceptables, mais aucune finalement ne l'emportera. Depuis un siècle et demi, les hypothèses se succèdent. Elles ont certainement, elles ont probablement et elles ont en partie un fondement, une partie d'entre elles. L'histoire de l'art, les historiens de l'art, les archéologues se préoccupent de cet art paléolithique qui est de plus en plus riche parce qu'on continue à en retrouver, mais qui est en même temps assez paradoxalement, par rapport aux autres courants et écoles artistiques, relativement stable dans le temps puisqu'il a une durée d'environ 20 000 ans. Il est composé d'un nombre relativement stable d'espèces, à peu près toujours les mêmes qui sont présentes dans l'environnement. Il est certain que quand le mammouth a disparu, il est plus représenté. Et au-delà de la disparition du cerf mégacéros, il n'y en a plus sur les parois non plus. Mais enfin, ces humains se sont régulièrement retrouvés dans des sites qui, dès le début du paléolithique, sont des grottes, des galeries dans le milieu souterrain. On en connaît plusieurs centaines dans l'espace de l'Ouest européen. Donc ce côté récurrent, cette volonté de toujours inscrire des figurations animales avec un certain nombre de signes qui sont géométriques et dont on n'explique pas le sens, c'est pour ça qu'on les qualifie de signes, peut-être avait-il une signification précise, on a là quand même des règles relativement régulières qui ont fait que il y avait dans ce qui était transmis, puisqu'on est dans un monde uniquement de transmission orale de l'information, que les corpus, les ensembles d'histoires et probablement les mythes qui se sont transmis pendant cette longue durée étaient indispensables et indissociables de la survie de la société et œuvraient probablement à la stabilité et la réglementation des groupes, à sa sociologie, à la psychologie, au fonctionnement, aux interrelations, au fonctionnement des structures de parenté. Bref, tout ce qui était indispensable à la survie de ces sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et il y a un autre élément tout aussi mystérieux dans cette grotte Chauvet, c'est un peu la mascotte, on va dire, c'est ce crâne d'ours qui est posé sur un bloc de pierre, là aussi. On ne peut que constater le mystère sans pouvoir le pénétrer plus loin. En même temps, il s'impose que cette grotte était aussi une grotte où les ours passaient une partie de l'année, où ils hivernaient, le nombre de bauges encore présentes sur le sol. Les traces. Où les traces, les empreintes, le nombre de squelettes qui est là, puisque c'est un lieu où les femelles mettaient bas, où naissaient les petits ours. Et en même temps, il y a des ours qui sont figurés. Et il y a des ossements d'ours qui sont manipulés. Donc vous voyez, on est là face à une relation entre l'homme et l'animal, une interaction entre l'animal et l'imaginaire humain. Ce sera d'ailleurs un des sujets qui doit occuper un des volumes de la monographie. Oui, vous nous ravissez et vous vendez la mèche. Il y aura d'autres volumes et on en est ravis. Jean-Jacques Delannoy, depuis le début et depuis la découverte de la grotte Chauvet, quelque chose de très particulier s'est passé, c'est-à-dire qu'on a interdit la fouille trop importante. Finalement, ça a été un choix éthique. On s'est dit, on ne fouillera pas cette grotte. Elle est en si bon état de conservation qu'on n'ira pas plus loin dans sa conservation. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais quand on est archéologue, on fouille. Alors, est-ce que ça vous démange pas un petit peu quand même d'aller voir, parce que cette grotte est tellement riche dans les vestiges qu'on peut en voir, qu'on imagine que sous les couches d'argile, sous le sol, il doit y avoir encore plein d'autres trésors. Alors, qu'est-ce que vous, comment on travaille dans ces conditions quand on est face et quand on est à côté de ce trésor-là et qu'on ne peut pas y toucher? C'est un défi. C'est un défi, mais qui a fait aussi la richesse de tout le travail qui a été fait depuis une vingtaine d'années. C'est vrai que dès que Jean-Claude et Jean-Michel Jeunesse ont pris la direction de l'équipe scientifique, la première chose qui a été décidée, c'était de se dire qu'il y avait tellement d'informations présentes sur les parois et sur les sols que dans un premier temps, on ne travaillerait que sur, on va dire, par une approche surfacique, voilà, de ce qu'on observe à la fois sur les sols et sur les parois. Et en se disant que peut-être avec le temps, on aurait de nouvelles méthodes, se mettraient peut-être en place d'investigation, de reconnaissance de ce qui se passe sous la surface du sol pour pouvoir peut-être un jour faire un sondage archéologique à un endroit, dans des endroits clés de la cavité. Ceci dit, il y a eu quelques petits sondages qui ont été faits dans certains secteurs de la cavité et qui ont montré effectivement que sous la surface, il y avait des informations intéressantes au moment où, justement, dans la zone proche du porche d'entrée, où il y avait on voyait qu'il s'était occupé, cette zone était occupée, il y avait des foyers. Bon, ce sont des choses qui sont maintenant ensevelies sous les boulis qui ferment le porche, mais qu'on a pu mettre en avant par ces sondages. Et je pense que vraiment, ça a été un défi. Et alors, pour l'archéologue, c'est effectivement extrêmement dur de pas pouvoir les gratter, de voir ce qui se passe dessous. Mais vous savez, pour le géomorphologue aussi, le fait de pas toucher une paroi, de pas sentir la texture du sol, de pas, c'est des choses par lesquelles on a beaucoup, qu'on a l'habitude de travailler de cette manière-là. Et depuis le travail qui a été fait dans la grotte Chauvet, il y a une autre philosophie qui s'est mise en place. Et c'est là où on revient sur cette dimension des cartes. La carte a été finalement un moyen de changer un petit peu notre manière de travailler, notre loupe de travail, en les remettant sur un autre type d'image qu'est l'image cartographique. Et de travailler au maximum de ce qu'on pouvait créer comme espace de dialogue sur ces objets portés sur des cartes. Mais écoutez, vous parlez très très bien de votre travail et je vous remercie encore à titre personnel et au nom de tous les lecteurs pour cet atlas de la grotte Chauvet qui est vraiment un travail magnifique. On attend avec impatience les prochains volumes qui seront consacrés, si je le crois bien, aux représentations. Et il y aura un troisième volume dont j'ai oublié le thème, Jean-Michel Jeunesse, aidez-moi peut-être. Le troisième volume, Il y aura deux autres volumes sur l'art et un dernier sur la relation homme-animal. Voilà, et bien écoutez, on guettera ce travail-là avec beaucoup, beaucoup d'attention et d'impatience. Merci infiniment à vous deux, Jean-Michel Jeunesse et Jean-Jacques Delannoy, pour votre présence aujourd'hui et pour ce travail titanesque, je le répète, que vous avez piloté avec cette monographie de la grotte Chauvet-Pont d'Arc. Un grand merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Natacha Triou, Alexandra Delbeau, François Malordi, Tom Mundenstock, à la réalisation Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Sofiane Actif. Au programme demain, une farandole d'actualités scientifiques insolites, belles et joyeuses pour finir l'année en beauté avec notre fine équipe de journalistes. D'ici là, passez un beau et joyeux Noël. À demain.